Mais maintenant, on peut écouter, Donc maintenant, entendre. on va entendre la nouvelle rencontre entre Vincent de Roguin et Doris. Cette fois-ci, Vincent de Roguin lui parle de musique. Bonjour Vincent. Bonjour, salut Doris. Aujourd'hui, tu nous présentes un morceau. Oui, une longue pièce éditée sur CD tout récemment par un label anglais que j'aime beaucoup qui s'appelle Another Timbre. Et il s'agit d'une pièce de Morton Feldman qui s'appelle Piano and String Quartet et qui est une pièce tardive de Morton Feldman, qui l'a composé 2 ans avant sa mort. Tu peux nous en dire un peu plus sur le compositeur? Alors, Morton Feldman, c'est un compositeur d'origine new-yorkaise qui a passé toute sa vie à New York. Et il est très connu comme un des membres d'une école, si on veut, d'une sorte de groupe de compositeurs qui ont émergé dans les années 50 et auquel a été rattaché un compositeur qui s'appelle John Cage, qui est un compositeur très important pour le milieu musical dont le Festival Archipel, enfin la musique que le Festival Archipel couvre. Et c'est une école qui s'est appelée The New York School, l'école de New York, et il y avait Morton Feldman, Christian Wolff et Earl Brown. Et Morton Feldman est un compositeur qui, jusqu'aux années 70, faisait une musique très abstraite, mais relativement classique en termes de musique d'avant-garde. Et dans les années 70, il a commencé à faire une musique, a commencé à composer des pièces plutôt très longue, avec moins d'événements sonores. Et c'est une musique qui joue beaucoup sur la question de l'espace et du déroulement dans le temps. C'est très important chez lui. C'est une musique qui prend le temps de dérouler les éléments. Et il est mort à la fin des années 80, à la fin des années 80, ouais, relativement jeune. Il avait 61 ans, je crois qu'il est mort. Et cette pièce, il l'a composée en 1985. Et le disque que tu as écouté, c'est une nouvelle interprétation de cette pièce qui avait déjà été enregistrée dans les années 80 par un ensemble américain qui s'appelle le Kronos Quartet. Et cette nouvelle version est très différente au niveau enregistrement et au niveau approche esthétique que la première. Alors, je trouve que c'est un morceau à la fois harmonieux, mais parfois c'est assez pas harmonieux. Tu trouves? D'accord, c'est intéressant. Parce que c'est vrai que les sons, ils ont tendance à... Il y a une certaine tension dans la musique. Et c'est vrai que moi, sa musique, l'expérience que j'en ai, c'est que les gens qui ne la connaissent pas, ils font souvent le lien avec une musique de film noir, aussi dans le cinéma. C'est une musique qui ressemble un peu à de la musique qu'on entend dans le cinéma des années 60, dans les films, dans des polars ou dans les films un peu sombres. Et je pense que ce que tu dis là, c'est dû à justement cette tension. Il y a quelque chose qui est assez on est toujours un peu en alerte avec la musique de Morton Feldman, mais elle a quelque chose de, que je trouve aussi de très apaisant. Je trouve aussi que c'est répétitif, mais sans vraiment l'être, parce qu'à chaque fois, ça change un petit peu. C'est exactement ça, ouais. C'est exactement le principe de sa musique. C'est des sons qui se déroulent et qui sont très répétitifs, si on veut, parce qu'ils reviennent à intervalles réguliers, mais ils sont toujours... Ils se décalent, il y a une espèce d'effet d'équilibre qui est constamment remis en question et remis en jeu. Et c'est vraiment là, en fait, l'essence même de sa musique et de cette pièce, en l'occurrence. Et c'est une très bonne remarque. Alors, ouais, il y a des gens qui associent Morton Feldman à l'école minimaliste américaine ou à l'école répétitive. Mais c'est vrai que lui, il tire ses influences d'ailleurs. Et moi, je l'associe davantage aux arts visuels. Enfin, c'est ça, en fait. C'est beaucoup de son inspiration, il l'attire des arts visuels, notamment de la peinture, avec laquelle il était très lié, c'est-à-dire beaucoup de peintres au sein de ses amis et beaucoup de liens avec la notion d'espace et de comment organiser des éléments dans l'espace. Pour lui, c'était quelque chose de vraiment fondamental. Et il faut aussi dire quelque chose d'autre, c'est qu'il était spécialiste, il était même, c'était son métier pendant très longtemps, des tapis persans, ouais. Et les motifs répétitifs qu'on voit sur les tapis et la manière de les arranger dans l'espace, c'est quelque chose qui a eu aussi une influence sur ses idées musicales. Comment est-ce qu'il s'appelle l'album ? L'album s'appelle Piano and String Quartet et la version des années 80, elle est très spacieuse, elle a quelque chose de très réverbérant, comme si c'était enregistré dans un grand espace avec quelque chose d'un peu océanique ou je sais pas, enfin c'est quelque chose que je ressens très fort dans cette version du Kronos Quartet. Et cette nouvelle version qui est interprétée par un ensemble anglais qui s'appelle Apartment House, elle a quelque chose de beaucoup plus austère et beaucoup plus sèche. L'enregistrement a été fait avec des micros proches des instruments, avec beaucoup moins d'espace perceptible de la pièce autour des instrumentistes, ce qui lui donne une qualité un peu plus austère et un peu plus protestante, si on veut. Vous trouvez que la version des années 80 est plus intéressante que la récente ? Alors, la première version des années 80, elle a quelque chose de plus... elle est plus directement agréable et un peu plus jolie, je dirais. Elle sonne un peu plus facile pour des oreilles non averties. Au revoir, Vincent. Au revoir, Doris. À demain. À demain. Vincent de Roguin, les livres qu'il trouve bien.